Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Il viendra un temps où celui qui patientera avec endurance dans la pratique de sa religion sera tel un homme qui tiendra une braise de charbon ardente dans sa main. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Il est fort probable que le meilleur gain du muslim sera celui d'un berger qui ira faire paître son troupeau dans les hauteurs des montagnes, là où la pluie tombe en abondance, s'exilant de la sorte, loin des fitaines et préservant ainsi sa religion. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Certes, le bienheureux est celui qui se sera écarté des fitaines. Certes, le bienheureux est celui qui se sera écarté des fitaines. Certes, le bienheureux est celui qui se sera écarté des fitaines. De même que celui qui aura été éprouvé, à la suite de quoi il aura patienté. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullah ta'ala. À chaque communauté sa fitna, et la fitna de ma communauté est l'argent. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Deux loups affamés, jetés dans un troupeau de moutons, ne sont pas plus dévastateurs chez un homme pour sa religion que ne le sont la quête de l'argent et de la notoriété. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Il est ainsi obligatoire à chaque musulman de craindre les fitaines. Sermon numéro 35. Al-Makhrajou min al-fitan, la solution de sortie au désordre et au trouble. Hâtez-vous d'accomplir de bonnes œuvres avant que ne s'abattent sur vous des troubles tels des lambeaux dans une nuit ténébreuse, à tel point que l'homme se lèvera le matin en étant croyant, puis qu'il finira sa journée en étant mécréant, ou qu'il finira sa journée en étant croyant, puis qu'il se lèvera le lendemain en étant mécréant. Il vendra sa religion pour une partie de ce bas monde. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse Hawa, Ève, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, le plus véridique des récits est certes la parole d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée. Et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre le Coran: Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous invite, à ce qui vous donne réellement vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et c'est vers lui que vous serez rassemblés. Il y a évoqué dans ce verset plusieurs types de bienfaits qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a destiné pour ses serviteurs, les êtres humains, ainsi qu'un immense droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses adorateurs, qui consiste à ce que ces derniers répondent à son appel et celui de son messager, dont la réponse est une préservation contre les fitanes, les troubles et les désordres. Et les fitanes, s'ils pénètrent le cœur, le pourrissent. Ce dernier devient alors corrompu et n'ordonnera pas le convenable, ni ne blâmera le blâmable. Et parmi les solutions de sortie à ces troubles et désordres, il y a le fait de ne pas s'y exposer. Il a ainsi été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: viendra un temps où il y aura beaucoup de troubles et de désordres. Celui qui patientera en restant assis sera dans un meilleur état que celui qui se lèvera précipitamment. Et celui qui patientera en restant debout sera dans un meilleur état que celui qui se mettra à marcher précipitamment. Et celui qui patientera en marchant sera dans un meilleur état que celui qui se mettra à courir précipitamment. Et celui qui s'y sera exposé sera emporté. Et quiconque aura trouvé refuge, qu'il y reste. Il s'agit là d'une recommandation prophétique, que celui qui se sera exposé à la fitna courra à sa perte, et que celui qui se sera écarté de la fitna, Allah le préservera de ses conséquences néfastes. Et par Allah, la mort est assurément meilleure pour l'être humain qu'il ne devienne troublé et corrompu dans sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. إِلَّا les polythéistes faillirent te détourner de ce que nous t'avions révélé, espérant ainsi que tu mentes à notre rencontre et nous imputes des paroles autres que celles que nous t'avons révélées. Et il t'aurait alors pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi à ce moment-là, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Nous t'aurions alors certes fait goûter le double supplice de la vie présente et le double supplice de la mort. Tu n'aurais ensuite point trouvé de secoureur contre nous. Et il a authentiquement été établi auprès de l'imam Ahmed, d'après le récit de Mahmoud ibn Labid, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit deux choses que l'enfant d'Adam, l'être humain, déteste alors qu'elles sont toutes de meilleures pour lui. Il déteste le manque d'argent et de biens alors que le manque d'argent et de biens sera moins préjudiciable pour lui lors de la reddition des comptes. Et il déteste la mort alors que la mort est meilleure pour lui qu'il ne tombe dans la fitna. Et parmi les invocations authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, il y a que le musulman dise « Et si tu venais à décréter à l'encontre de tes serviteurs qu'ils ne soient frappés par de quelconque trouble, alors reprends mon âme auprès de toi, épargné d'être troublé. » Et la fitna peut consister à pratiquer du shirk en Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'associationnisme, ou de la bid'a, de l'innovation religieuse, ou à commettre un péché, ou à être pris d'angoisse et d'avoir la poitrine serrée, ou par les mises à l'épreuve, ou bien d'autres choses encore. Et cela ne fait aucun doute qu'il ne se passe pas une année sans que celle qui vient d'après soit pire que la précédente. Il a ainsi été rapporté dans les deux recueils du récit authentique d'Al-Bukhari et de Muslim. Le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu qui a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, la fin du monde n'arrivera pas jusqu'à ce qu'un homme ne passe près d'une tombe et ne se vautre dessus en disant « Si seulement je me trouve à la place de celui qui se trouve dans cette tombe. » Cela, non pas pour la religion de se défendre, mais plutôt à cause de l'adversité et des dures épreuves que cet homme subira. Donc ton argent et tes biens sont une source de trouble et de désordre pour toi. Et ton enfant est également une source de tentation pour toi. De même que ton épouse est une fitna pour toi. Allah a en effet dit Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Ô vous qui croyez, vous avez assurément en vos épouses et vos enfants un ennemi. Prenez-y donc garde, mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez, sachez alors qu'Allah est pardonneur très miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit innama amwalukum wa awladukum fitna wallahu 'indahu ajrun 'azim. Certes vos biens et vos enfants sont une tentation pour vous, tandis qu'il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Et il a également dit kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal-khayr fitna wa ilayna turja'un. Toute âme goûtera à la mort et nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Il est ainsi obligatoire aux musulmans de se trouver le plus loin possible des fitaines, loin de tout ce qui pourrait nuire à sa religion, loin de ce qui pourrait lui serrer la poitrine. À ce moment, il vivra dans le bonheur. Car certes, le bienheureux est celui qu'Allah aura écarté des troubles et du désordre de cette vie présente, ainsi que de ceux après la mort. Par Allah, Allah pourvoira à ses besoins, car ce dernier aura recherché la récompense d'Allah, loin des péchés. Il a ainsi été établi par Abu Daoud, d'après le récit d'Al-Miqdad, radiallahu anhu, qui a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Certes, le bienheureux est celui qui se sera écarté des fitaines. Certes, le bienheureux est celui qui se sera écarté des fitaines. Certes, le bienheureux est celui qui se sera écarté des fitaines, de même que celui qui aura été éprouvé, à la suite de quoi il aura patienté. Et quelle bonne et étonnante chose que cela. Et le sens de ceci est que celui qui patiente et endure face à l'épreuve et à la calamité se sera de ce fait écarté de la fitna. Et cela sera pour lui du même coup une solution de sortie à ses troubles et ses désordres. » Et dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit de Zaynab bint Jahsh radiallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra auprès d'elle et prit de frayeur en disant La ilaha illallah, point de divinité excepté Allah, malheur aux Arabes pour le mal qui s'est approché d'eux. Une brèche s'est aujourd'hui ouverte à l'endroit où sont enfermés Ya'juj wa Ma'juj, aussi large que cela, en joignant son index et son pouce par leur bout. Zaynab bint Jahsh dit Je lui ai alors dit Ô messager d'Allah, serons-nous anéantis alors qu'il y a parmi nous des gens pieux? Il dit « Parfaitement, si les turpitudes auront augmenté. » Et du même ordre, ce qui a été rapporté dans le hadith d'Umm Salama, radiallahu anha, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se réveilla une nuit et dit « Subhanallah, gloire à Allah, que de désordres et de troubles ont été descendus cette nuit, et que de miséricorde aussi. Qui va donc réveiller celles qui dorment dans leur chambre, ô Seigneur, habillées dans ce bas monde, et qui seront toutes dévêtues dans l'au-delà ?» Et ce récit a été jugé par Al-Bukhari et Muslim comme étant authentique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous exposa ainsi, à travers ces récits, que l'établissement de l'obéissance d'Allah est une issue aux fitaines, et que l'adoration d'Allah devient plus importante lorsque les gens sont pris dans les troubles et les désordres. Oriente-toi donc vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cela est-elle un exode vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par Muslim dans son recueil de hadith authentique, d'après le récit de Ma'aq ibn Yasar radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'adoration d'Allah durant la confusion et l'anarchie est-elle un exode vers moi? Un exode vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quel exode grandiose! Et il ne convient donc point aux musulmans d'être négligents au sujet de l'adoration à n'importe quel moment, mais lors des troubles et de la confusion, celle-ci est assurément bien plus gratifiante. Et il a certes été établi, d'après le récit d'Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il viendra un temps où celui qui patientera avec endurance dans la pratique de sa religion sera tel un homme qui tiendra une braise de charbon ardente dans sa main. Et il est certes parvenu, d'après le récit d'Abu Saïd ibn al-Khudri radiallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est fort probable que le meilleur gain du musulman sera celui d'un berger qui ira faire paître son troupeau dans les hauteurs des montagnes, là où la pluie tombe en abondance, s'exilant de la sorte, loin des fitaines et préservant ainsi sa religion. Oh vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ألف لام ميم. Les gens pensent-ils que nous les laisserons dire: nous croyons sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui vécurent avant eux, afin qu'Allah distingue ceux qui disent la vérité des menteurs. Et parmi les causes qui permettent de sortir des fitaines, il y a également le fait de se contenter de ce qu'Allah nous a octroyé comme bienfait dans cette dunya, cette vie d'ici-bas. At-Tirmidhi a en effet rapporté dans son Jami', sa compilation de récits, d'après le récit de Ka'b ibn Malik al-Ansari radiallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux loups affamés jetés dans un troupeau de moutons ne sont pas plus dévastateurs chez un homme pour sa religion que ne le sont la quête de l'argent et de la notoriété. De nombreuses personnes se sont ainsi dépravées à cause de ceci, à savoir la quête de la notoriété et de l'argent. Oh vous les gens, certes les personnes qui sont à l'affût des fitaines sont ceux dont les cœurs sont malades et pleins de doutes. Il a ainsi été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, le récit de Aïcha radiallahu anha, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita un jour ce verset: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, le Coran, toi Muhammad. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Quant aux gens qui ont une maladie dans le cœur et penchent vers l'égarement, ils mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant ainsi à semer le désordre et les troubles en essayant de leur trouver une interprétation qui va dans le sens de leur passion, alors que nul n'en connaît véritablement leur interprétation, excepté Allah. Mais quant à ceux qui sont bien enracinés dans la science, ils disent: nous y croyons, tout provient de notre Seigneur. Mais seuls les doux d'intelligence s'en rappellent. Puis elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: si vous venez à rencontrer ceux qui suivent les versets à équivoque, sachez donc qu'il s'agit de ceux qu'Allah a nommés, méfiez-vous alors d'eux. Il est donc obligatoire de prendre garde aux prédicateurs de l'innovation et du folklore. Et parmi les plus grandes causes permettant de sortir des troubles et des désordres, il y a ce qui est mentionné dans le hadith d'Al-Irbad ibn Sari radiallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous exhorta un jour après la prière de l'aube d'une exhortation éloquente qui fit couler les larmes de nos yeux et frémir nos cœurs. Un homme dit alors: il s'agit là d'une exhortation d'adieu. Que nous recommandes-tu donc, ô messager d'Allah? Il dit: je vous recommande la crainte d'Allah, ainsi que l'obéissance et la soumission envers celui qui vous gouvernera, quand bien même il s'agirait d'un esclave abyssin, car celui parmi vous qui vivra assez longtemps verra beaucoup de divergences. Et prenez garde aux nouveautés concernant la religion, car elles ne sont qu'égarements. Quiconque donc parmi vous aura atteint cette époque, qu'il s'accroche alors à ma sunna, la tradition prophétique, ainsi qu'à celle des califes bien guidés et inspirés, accrochez-vous-y avec vos molaires. Par Parmi ces issues, il y a également le fait de s'éloigner de la ressemblance aux mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitabi wala al-mushrikin an yunazzala alaykum min khayri min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dhul fadli al-azim » Ni les mécréants parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ni les polythéistes n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur. Alors qu'Allah élit et choisit qui il veut de par sa miséricorde, et Allah est le détenteur de l'abondante grâce. Pareillement, parmi les sorties des fitaines, il y a le fait de pardonner et de renoncer à la vengeance et aux représailles. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَاسْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Nombreux parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, aimeraient pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru par jalousie de leur part, après que la vérité leur eût été manifestée. Pardonnez et laissez passer jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Certes, Allah est omnipotent. Donc parmi les solutions qui permettent de sortir des troubles et des désordres, il y a le fait de s'accrocher à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais également l'invocation d'Allah. Et combien d'angoisses Allah dissipa par le biais de l'invocation, et combien de fitnes Allah éloigna par la cause de l'invocation, et combien de situations humiliantes Allah écarta grâce à l'invocation, et combien de tyrans dont Allah repoussa le mal par la cause de l'invocation, et combien de muslimoun Allah préserva de nombreux maux par le biais de l'invocation. Allah subhanahu وتعالى عادي وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذ النون le prophète Younes, Jonas, lorsqu'il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Il s'éclama ainsi et cria dans les ténèbres du ventre de la baleine dans laquelle il se trouvait coincé, en disant: point de dignité à part toi, gloire à toi, j'ai assurément été du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes alors et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Donc la plus grande cause de dissipation des malheurs et des calamités est le fait de rechercher asile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'invocation, le repentir, ainsi que de s'établir correctement dans la droiture, c'est-à-dire dans la pratique de la religion, de même que le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de s'en remettre à lui. Et ordonner le convenable et blâmer le blâmable sont une importante issue au désordre et à la confusion. Al-Bukhari a en effet rapporté dans son recueil de récits authentiques, d'après le récit d'An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui se préserve d'outrepasser les limites d'Allah et celui qui les dépasse sont-elles un groupe de gens qui embarquèrent dans un bateau, puis tirèrent au sort, à la suite de quoi une partie d'entre eux prirent place dans le compartiment supérieur sur le pont, tandis que les autres s'installèrent dans le compartiment inférieur dans la coque. Mais à chaque fois que ceux qui se trouvaient dans la coque montaient sur le pont pour aller chercher de l'eau, ils devaient enjamber les gens qui s'y étaient installés. Ils se dirent alors entre eux: pourquoi ne ferions-nous pas un trou dans notre compartiment, dans la coque, afin de ne plus avoir à déranger les personnes qui se trouvent au-dessus de nous? À ce moment, si les gens installés sur le pont laissaient agir ceux qui se trouvaient dans la coque, ils courraient tous ensemble à leur perte. En revanche, s'ils les en empêchaient, ils seraient alors tous sauvés. Et nous avons dans le récit des gens du Sept une communauté parmi les Banu Israël, les descendants du prophète Yaqub, Jacob, de quoi méditer. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سِبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Et interroge-les, les juifs, au sujet de la cité qui se trouvait en bord de mer et dont les habitants transgressaient le sept, leur jour saint qui était le samedi, alors que les poissons venaient à eux uniquement ce jour-là, faisant surface, et ils ne venaient pas à eux les autres jours. Ainsi les avons-nous éprouvés à cause de leur désobéissance et leur perversité. Et quand un groupe d'entre eux dirent aux autres: Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah a décrété qu'il allait les anéantir ou les châtier d'un dur châtiment ? Ils répondirent, pour nous dégager de toute responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, et que peut-être feront-ils preuve de piété. Puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui les avaient défendus de désobéir, et saisîmes les injustes par un châtiment rigoureux pour leur perversité. Puis lorsqu'ils refusèrent, par orgueil, de délaisser ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul. Il n'a pas d'associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ceci étant dit. Ainsi, parmi les plus importantes solutions de sortie aux fitaines, il y a la crainte d'Allah Ta'ala et le fait de se remettre à Allah et de placer sa confiance en lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Et quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable à tous ses problèmes. Et il pourvoira à ses besoins par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Et quiconque s'en remet à Allah et place sa confiance en lui, Allah lui suffit. Allah atteint assurément son but. Allah a certes assigné une mesure à toute chose. Allah Azza wa Jalla accorde donc à travers cela une issue à toute fitna. Comme par exemple celle de la pauvreté, une issue à toute adversité, de même qu'à tout ce qui pourrait te causer un quelconque préjudice, tant que tu demeureras craintif envers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de celui qui le craint, « Tilka darul akhira, naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi, wala fasada, wala aqibatu lil muttaqin. » Cette demeure dernière, le paradis, nous la réservons à ceux qui ne recherchent pas à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption, et l'heureuse fin est réservée aux pieux. Il est ainsi obligatoire à chaque muslim de craindre les fitaines, qu'il s'agisse de la tentation de l'argent, ou celle de la réputation, ou de la notoriété, ou tout autre fitna encore. Car personne n'est en mesure de te sauver de la sanction d'Allah, de sa force, de sa puissance, de même que de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Crains également l'invocation de l'opprimé, car il n'y a aucun voile entre elle et Allah. Et il a authentiquement été établi chez l'imam Tirmidhi, dans sa compilation de hadith, dans le hadith de Ka'b ibn Iyad, radiallahu qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, à chaque communauté sa fitna, et la fitna de ma communauté est l'argent. Beaucoup de gens sont ainsi troublés à cause d'un peu d'argent ou de biens mondains. L'imam muslim, rapportant son sahih, son recueil de récits authentiques, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, hâtez-vous d'accomplir de bonnes œuvres avant que ne s'abattent sur vous des troubles tels des lambeaux dans une nuit ténébreuse, à tel point que l'homme se lèvera le matin en étant croyant, puis qu'il finira sa journée en étant mécréant, ou qu'il finira sa journée en étant croyant, puis qu'il se lèvera le lendemain en étant mécréant, il vendra sa religion pour une partie de ce bas monde. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil.